Les éditions d'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 6, du samedi 29 septembre 1883. Page 8, colonne 1. Nouvelles des cantons de l'Est. Warwick. Monsieur le curé de cette paroisse est arrivé de Rome dans les premiers jours de la semaine dernière. Ses paroissiens lui ont fait une réception enthousiaste. Quaticook. Il a plu à son Excellence, le gouverneur général, de nommer James Churchill de Quaticook, officier préposé au débarquement, examinateur et commis dans les douanes de Sa Majesté. Stansted. À l'avenir, la cour de circuit pour le comté de Stansted se tiendra au village de Stansted Plain du 18 au 22 novembre et au village de Quaticook du 22 au 24 novembre. Ce changement vient d'être réglé par un ordre du conseil. Le nouveau couvent des Ursulines a reçu, la semaine dernière, la visite de la supérieure de Québec. Waterloo. Messieurs Chat ont, de nouveau, ouvert leur tannerie la semaine dernière. Le rédacteur du Waterloo Advertiser n'est pas content du tout de la décision de l'Église épiscopale du Canada au sujet du mariage entre beaux-frères et belles-sœurs. Notre confrère pense que ces bons ministres protestants, se trouvant veufs et ayant devant eux une frémillante belle-sœur, agiraient différemment et que la chose qu'ils appellent leur conscience leur permettrait d'accepter de tels mariages comme étant d'une haute convenance au lieu d'être immoraux et incestueux. On voit que le confrère n'a pas beaucoup de respect pour ses révérends. Il y a dans ce village une grande demande de bétail et de chevaux. Cookshire. Le 10 septembre dernier, Madame Sawyer se promenait avec sa fille et son gendre, Monsieur et Madame John Goodwin, lorsque quelque chose se brisa dans leur voiture et tous les voyageurs furent lancés à terre. Monsieur et Madame J. Goodwin n'eurent aucun mal. Mais Madame Sawyer se fit, à la figure, une coupure assez profonde et resta évanouie pendant quelque temps. À son âge, ce coup peut apporter quelques complications et l'on craint qu'elle ne reste malade pendant quelque temps. La semaine dernière, dans le même village, un enfant de 10 ans, nommé Robida, s'est cassé les deux jambes en tombant d'une balançoire. Le père de cet enfant est resté inoccupé tout l'été dernier, par suite d'une blessure qu'il avait reçue. Stoke Centre. Notre village vient d'être attristé par la mort d'un de nos concitoyens. Jeudi matin, Jean-Baptiste Dionne, autrefois charretier à Sherbrooke et, depuis, fermier sur une terre appartenant à M. P. La France de la Banque nationale, allait chercher un cheval qui avait passé la nuit au pêtre. Mais, comme il n'était pas encore revenu à 10 heures, sa femme, inquiète, envoya quelques voisins à sa recherche. J.B. Dionne fut trouvé dans le package, la face contre terre, et il était mort. On pensa d'abord à un accident causé par le cheval, mais l'examen du corps n'ayant fait découvrir aucune blessure, on pensa que la mort avait été causée par la rupture d'un vaisseau à l'intérieur ou par une faiblesse du cœur. Le défunt était âgé de 45 ans. Les funérailles ont eu lieu à Sherbrooke samedi dernier. Le défunt était membre de l'Union Saint-Joseph et sa société y a assisté encore. On dit que sa veuve va toucher 300 $, étant la somme payable aux héritiers des membres défunts, selon la Constitution. Lac Mégantic. Le Temps de Montréal publie ce qui suit. On dit que l'un des créanciers de M. A.B. Champagne du lac Mégantic a signifié à ce monsieur d'avoir à faire cession de ses biens en faveur de ses créanciers. Le correspondant du News de Saint-Jean à Windsor Mills écrit ce qui suit la feuille en question. Le terminus de l'International est maintenant à Agnès, sur les bords du lac Mégantic, petit village qui promet de devenir important. Il y a déjà 140 maisons d'habitation, une vaste église catholique en voie d'érection, 5 hôtels qui sont remplis. Votre correspondant a eu le plaisir de faire une excursion sur le lac en compagnie de M. Chicoine, gérant des moulins nantais, et de la compagnie de la colonisation. Cette dernière possède 5000 acres de terre dans le canton de Woburn, le long de la rivière Arnold, qu'elle s'empresse de défricher et de peupler des colons de la Suisse qui sont au fait de l'élévation des vaches et de la fabrication du fromage. M. Chicoine est sur le point de partir pour la Suisse afin d'y recruter d'autres colons. N'est-ce pas qu'en voilà une bonne? Oh là, vous autres, aurez-vous les Suisses? Il paraît que ça ne va plus en France et qu'il faut aller plus loin. Rien de surprenant, ce jeu. On sait que les Français ne sont pas en odeur de sainteté chez une certaine école au sein de notre pays. On prend bien leurs capitaux. Cependant, la libre pensée n'atteint jamais l'or. Un correspondant naïf écrit au pionnier. Les moulins nantais, depuis que M. J.F. Legendre en a repris l'administration, font merveille. Savez-vous bien que ce n'est pas un compliment, M. Chicoine? Un pensionnaire de Sa Majesté britannique, un nommé Peter Small, Pierre Petit, ayant appartenu au 85e régiment, étant allé se baigner dans le lac après quelques jours de libation, a été pris de crampes et s'est noyé. On a retrouvé son corps contre un rocher, dans un endroit où il n'y avait pas plus de 3 pieds de profondeur. Richemont. Les deux secrétaires de nos écoles, catholiques et protestantes, viennent de terminer le recensement de notre ville. Y compris le village de Jamesville, la population est de 4900. Le Guardian dit que, comme de raison, le nombre des enfants catholiques l'emporte de beaucoup sur celui des protestants. Cette « of course » du confrère vaut son poids d'or. Les dames de Richemont et de Cleveland sont à organiser un bazar qui aura lieu vers la fin de décembre prochain et dont les revenus seront remis au révérend M. Quinn afin de l'aider dans sa nouvelle entreprise, la construction d'un presbytère. Les dames ont déjà commencé à nous visiter avec de magnifiques objets destinés à la loterie et tout porte à croire que le prochain bazar aura un succès aussi satisfaisant que ceux des années précédentes. La ville a l'air coquet depuis que la rue principale a été élevée et garnie de nouveaux trottoirs, avec les nouvelles maisons bâties de chaque côté. On voit que le vent du progrès a soufflé de ce côté. Il y a beaucoup d'activités dans le commerce, les affaires paraissent bonnes. La cour de circuit a été en session, ici, le 19 courant, sous la présidence de M. le juge Brooks. Les avocats présents étaient Messieurs J.I. McLaren de Montréal, Brooke et Short, Richemont, Bélanger, Brown, Panton, Murray et Broderick de Sherbrooke. Il y avait beaucoup de causes, mais grâce à la manière expéditive du savant juge, tous les travaux ont été accomplis dans la journée. Le rédacteur du Guardian dit avoir vu une pomme pesant 17 onces et demi. Le même journal a aussi reçu une autre pomme, amère celle-là par exemple. M. Brooke, avocat, a intenté une action pour libelle au Richmond Guardian et lui demande $5,000 de dommages et intérêts. Messieurs Bélanger et Camiran, avocats de Sherbrooke, ont ouvert un bureau à Richemont. M. L. H. Broder, étudiant en droit, a la charge de ce bureau, qui tient ouvert en permanence, et Messieurs Bélanger et Camiran seront présents à tous les termes de la cour de circuit et de la cour du magistrat. M. Narcisse Noël, hôtelier, est à faire construire un joli magasin près de la gare du chemin de fer. M. Laurent Rousseau, entrepreneur, terminera bientôt les travaux de construction. Il y a lieu de croire que ce sera un des magasins les plus achalandés de Richemont. La partie de la ville, connue sous le nom de Jamesville, progresse rapidement. Madame George McGovern a vendu un certain nombre d'emplacements sur lesquels s'élèvent de jolies maisons. On dit qu'avant longtemps, deux ou trois nouvelles résidences privées y seront construites. Âme Sud. Nous allons avoir un prêtre résident ici vers la fin du mois courant. D'ailleurs, Monseigneur l'évêque de Sherbrooke nous l'avait promis lors de sa dernière visite pastorale à cette mission. Depuis longtemps, les habitants catholiques de cette paroisse témoignaient à Monseigneur le désir qu'ils avaient d'avoir un prêtre au milieu d'eux. Mais vu le petit nombre des catholiques de ce canton et vu les revenus minimes de leurs terres, Monseigneur avait toujours cru qu'il était préférable de retarder l'accomplissement de ce désir. Ces années dernières, la population ayant augmenté et les terres ayant pris plus de valeur, tant sous le rapport du défrichement que sous celui du voisinage d'un chemin de fer à peu de distance, Monseigneur de Sherbrooke a fait droit à nos voeux. Tout le monde ici est joyeux et satisfait de cette décision, catholique comme protestant. Tous comprennent l'élan que cela va donner à la colonisation, pour ainsi dire stagnante jusqu'aujourd'hui, de notre canton. M. l'abbé Bachan, aujourd'hui vicaire à Sainte-Rosalie, dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, sera, dit-on, notre futur curé. Ce monsieur est venu, dans le mois dernier, visiter ce canton. Il était anxieux de connaître sa future paroisse. Quoiqu'un peu préjugé avant de venir ici, M. Bachan, après avoir vu, examiné et admiré notre campagne et ses beaux points de vue, et surtout, après avoir connu quelques-uns de nos citoyens, s'est fait plaisir d'avouer qu'après tout, dans la paroisse de Saint-Joseph de Hamsud, un prêtre pourrait vivre et se plaire. Les quelques personnes qui ont eu plaisir à lui parler l'ont trouvé aimable et homme qui saura se conformer aux us et coutumes des gens de la campagne. C'est ce qu'il nous faut. Notre curé aura à desservir la mission de Saint-Adrien de Ham-Nord, située à 8000 d'ici. Les gelées de la semaine dernière ont fait peu de dommages ici. Les cultivateurs se pressent d'engranger leur récolte, laquelle en général est très bonne. Les gens paraissent satisfaits. Il va bientôt nous arriver un marchand nouveau. C'est un monsieur Trudel de la ville d'Hall. Ce monsieur a déjà acheté 3 arpents de terre de la fabrique et il est en frais de se bâtir un magasin. Notre marchand actuel, par désintéressement pour le nouvel arrivé, et surtout par le surcroît d'affaires lui venant forcément de toutes les parties du comté, a cru devoir faire part à quelqu'un qui daignerait encourager le nouvel arrivant en bien, lui vendant son stock restant dans son magasin.